sur les montées ou même sur les dos d'âne. La vie ça fait peur, comme une voiture qui arrive sans phare. Un 3 sur la plaque, dans le rétro les gyrophares. Un crabe au pharo, je vois des pins s'en passer. Pendant que j'en roule hein, et que je vois des cives à fond passer. Fils de sous-marou, je vais tous les écraser. Faut pas forcer frérot, quand le vase est cassé. Y'a beaucoup de jaloux dans la zone. Dans la zone, dans la zone, dans la zone. Je crois que je vais changer mon numéro de téléphone. Dans la zone, dans la zone, dans la zone. Dans la zone ça tourne pas rond, mais tout est carré. Suffit que tu te moques une fois pour te faire démarrer. Dans la zone ça tourne pas rond, mais tout est carré. Suffit que tu te moques une fois pour te faire démarrer. Eh, la famille c'est pas que les liens du sang. La famille c'est aussi des gens qui étaient là pour toi quand y'avait plus personne. On se fait plus de fric qu'on ouvre son label. Son label. Attends je te rappelle, y'a Rihanna qui m'appelle. Qui l'argent appelle l'argent, pense tous les problèmes. Elle me regarde dans les yeux, quand elle me dit je t'aime. Attends coupe l'instru, faut que je dise un truc. Mes frères sont africains, albanais et turcs. Pour y arriver si tu savais comment j'ai souffert. Quand t'es dans la merde y'a plus personne, crois moi t'es tout seul. Tout ce que j'ai je l'ai mérité, ben oui personne n'a offert. Avant on rappait dans nos chambres, maintenant on fait des concerts. Moi je veux m'en aller, si tu m'aimes plus dis-le, moi je veux m'en aller. Moi je veux m'en aller, moi je veux m'en aller. Si tu m'aimes plus dis-le, moi je veux m'en aller. Y'a beaucoup de jaloux dans la zone. Dans la zone, dans la zone, dans la zone. Je crois que je vais changer mon numéro de téléphone. Dans la zone, dans la zone, dans la zone. Dans la zone ça tourne pas rond, mais tout est carré. Suffit que tu te moques une fois, pour te faire démarrer. Dans la zone ça tourne pas rond, mais tout est carré. Suffit que tu te moques une fois, pour te faire démarrer. Hey. Y'a beaucoup de jaloux dans la zone. Dans la zone, dans la zone, dans la zone. Je crois que je vais changer mon numéro de téléphone. Dans la zone, dans la zone, dans la zone. Dans la zone ça tourne pas rond, mais tout est carré. Suffit que tu te moques une fois pour te faire démarrer. Dans la zone ça tourne pas rond, mais tout est carré. Suffit que tu te moques une fois pour te faire démarrer. Eh. Dans la zone. Eh.